petit cucus qui arrive avec son violon. C'est vrai, Michel, elle chante pour nous. D'accord. C'est Cucus avec son violon qui fait danser les filles, qui fait danser.